Dors, dors, mon petit, dehors il fait nuit, il n'y a plus de bruit, tout est endormi. Demain il faudra te lever pour à l'école bien travailler, de ta classe être le premier et de ton prof le préféré. Dans la cour de récréation, Bobby, tu seras le champion. Quant à ceux qui protesteront, donne-leur un coup dans les roustons. Dors, dors, mon petit, dehors il fait nuit, il n'y a plus de bruit, tout est endormi. À la cantine de l'école, évite le steak à la vache folle. Si tu as peur qu'on t'intoxique, dis-leur que t'es anorexique. Si la dictée est difficile, qu'une mauvaise note se profile, menace ton prof, cet imbécile, de l'énoncer comme pédophile. Dors, dors, mon petit, dehors il fait nuit, il n'y a plus de bruit, tout est endormi. Quand viendra l'heure de la sortie, passons par la boulangerie, fouille dans la poche de ton cahouet, maman t'y a mis un gros billet. Après avoir fait tes leçons au pied de la télévision, arrange-toi quand nous rentrerons pour dormir d'un sommeil profond. Dors, dors, mon petit, dehors il fait nuit, il n'y a plus de bruit, tout est endormi. Si tu es sage et obéissant, que tu écoutes papa, maman, alors lorsque tu seras grand, tu seras un homme, mon enfant, et tu deviendras avocat, médecin ou huissier de justice. Pour ton Noël, on t'offrira un joli petit compte en Suisse. Dors, dors, mon petit, dehors il fait nuit, il n'y a plus de bruit, tout est endormi. Même si l'on divorce cette année, cela ne pose aucun problème, on ira quand même à Euro Disney, ton papa et ta maman t'aiment. Ton papa et ta maman t'aiment. Ton papa et ta maman t'aiment. Ton papa et ta maman t'aiment.